بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. أنا نصيحتي لكم أن تدرسوا، إذا تكلم في شخص أن تدرسوا عنه وتأخذوا أقوال الناقدين وتفهمونها وتتأكدون من ثبوتها، فإذا تبين لكم ذلك فليحكم الإنسان من منطلق الوعي والقناعة لا تقليدا بهذا أو ذاك ولا تعصبا بهذا أو ذاك. ودعوا الأشخاص فلان وفلان، هذه خذوها قاعدة وانقلوها لهؤلاء المخالفين ليفهموا الحقيقة فقط ويعرفوا الحق. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. Je conseille à mon frère Souleyman à Guadeloupe, wafakahu Allah ta'ala en particulier, ainsi qu'à mes frères ayant un mouqif, c'est-à-dire une position similaire à la sienne, de façon générale. Et Ani, les frères Uqala, frères de la Sunna, qui ont une certaine da'wah, et un parcours scientifique par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Première partie, première partie. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Dans le sens où il dirait, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux qui s'égare de son sentier et c'est lui qui connaît le mieux qui sont les bien guidés. وفي الحديث تميم الداري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. Que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم a dit que la religion c'est le conseil. Le fait de prodiguer le conseil. Nous demandons et pour qui? Il dit pour Allah et pour son livre et pour son messager, et pour les gouverneurs des muslimines, ainsi que leur masse, ces gens de la masse. Wa an Anas ibn Malik, radiallahu anhu, qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsi. Qu'aucun d'entre vous ne croira vraiment, tant qu'il n'aimera pas pour son frère, tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Al hadith muttafaqun alayh. Donc, par application de ces hadiths prophétiques, il me tient à cœur aujourd'hui de prodiguer ce conseil tout d'abord à mon frère Souleyman à Guadeloupe, wafakahullahu ta'ala en particulier, ainsi qu'à mes frères ayant un mouqif, c'est-à-dire une position similaire à la sienne, de façon générale. Et Ani, les frères Uqala, les frères de la Sunna, qui ont une certaine da'wa et un parcours scientifique par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai pas là pour but de vous faire changer d'avis par cette nasiha en soi-même, mais d'attirer votre attention sur un point ou certains points espérant par cela être une cause. Bi'idhnillahi ta'ala. Vous incitant à mieux vous renseigner et à étudier cette affaire afin d'être sur la science. Antakounu al-ilm. Puis de vous en tenir à ce que nous a imposé notre Seigneur. Rabbul alamin. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Wa la tattabi'u min dunihi awliya. Qalilan ma tazakkaroun. Et suivez donc ce qui vous est descendu de votre Seigneur. Et ne suivez pas en dehors de lui d'autres alliés, et ce n'est que peu que vous rappelez. Wa qala ibn Kathir rahimahullah ta'ala fi tafsir hadhihi al-aya la takhruju amma ja'akum bihi ar-rasul ila ghayrihi fatakunu qad 'adaltum 'an hukmi al-layli hukmi ghayrihi. C'est-à-dire, ne sortez pas de ce que vous a apporté le messager vers autre que lui. Sinon, vous auriez égalisé entre le jugement d'Allah et le jugement d'autrui. Intaha kalam. Car il est connu que la vérité n'est qu'une, alors que l'égarement, lui, peut être multiple. Et une fois que cette voie, c'est-à-dire la vérité, nous est apparue, il nous est obligatoire de la suivre. Comme a parlé Ta'ala, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois que Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. وَتَبْعَنْ, je ne vous apprends rien en cela. لَكِنْ مِنْ بَبْ أَتَفْكِرْ, juste un rappel. فَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Et rappel, car le rappel profite aux croyants. Donc, comme je le disais, mon but là, ici, est d'évoquer le cas de Cheikh Yahya al-Hajouri, hafizallahu ta'ala, et de la da'wa provenant de Demmej, Aslan. Ce noble Cheikh et cet oulab et cette da'wa mubaraka, injustement combattu à ce jour. Et cela depuis plusieurs années. Wa ila Allah al-Mushtaka. Fa'akoulu musta'inan billah. Cela fait 9 ans, 9 années consécutives qui se déroule une fitna au sein de la da'wa salafia, face à laquelle beaucoup, énormément, n'appliquent pas les règles de ce Menajibeli, auxquelles ils s'apparentent, et cela à notre regret. Pour laisser place à yani, ce poison, hein, à Dassem, ennemi à notre da'wa, que tous prétendent combattre à la base, et pourtant, ils sont tous tombés, il est rahimallah, tombés dedans, les deux pieds joints, pour en arriver là où ils sont. Ani bidhalika at-taqlid. Je vise par cela le suivi aveugle, l'imitation. Yani, c'est-à-dire, les savants ont parlé, Cheikh Intel a parlé, les grands savants ont jugé, et j'en passe. Naam, en effet, il fait partie de notre minhaj de revenir aux savants de la sunna. Mais là, chaque bizarre, lors des sujets ardus et épineux, lors des troubles, des questions liées à beaucoup d'individus, pour les conseils, les directives et autres. Les savants, eux, ils les connus. Umwarafatul anbiya, les héritiers des prophètes. Les gens de science sont élevés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faqal, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilm darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Et certes, Allah élève ceux qui ont cru parmi vous et ceux qui ont reçu la science en degrés. Et Allah est certes parfaitement informé de ce que vous faites. Faqal, qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, et seulement se rappellent les dotés d'intelligence, de raison. Combien de mérites leur sont attribués dans le Coran et la Sunna? Oui, c'est vers eux, vers les ulama, qu'il faut revenir en cas de trouble et de problématique. Comme en Coran Ta'ala, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. وَلَوْ لَفَضْلُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ تَبَعْتُمُ الشَّيْطَانِ إِلَّا قَلِيلًا لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانِ إِلَّا قَلِيلًا. Quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. S'il est rapporté aux messagers et aux détenteurs du pouvoir, du commandement parmi eux, c'est-à-dire ceux des muslimines, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris, c'est-à-dire la vérité. Et n'eût-ce été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, vous auriez suivi Shaitan à part quelques-uns. وقال سبحانه فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون. C'est-à-dire, demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Les gens du rappel. هذا هذا قيد مهم جدا الذكر الذكر. Une condition importante. Les gens du rappel. يعني الدليل, de la preuve. وشيخنا يحيى قد أفادنا أن من حزم في كتابه إحكام الأحكام قال أن الله أمر أن نسأل أهل الذكر عن الذكر ولا يأمرنا أن نسألهم عن آرائهم. كابن حزم dit dans son livre إحكام الأحكام à propos de ce verset que Allah nous a ordonné de demander aux gens du rappel, de nous interroger à propos du rappel, c'est-à-dire de la preuve, et non pas, c'est-à-dire il nous a pas ordonné de leur demander leur avis par rapport à ça. Donc, el-zikri, C'est les gens du rappel, c'est-à-dire de la preuve, du dalil. Allah n'a pas dit وَسْأَلُوا الْعُلَمَا مُطْلَقًا لَكِنْ قَالْ أَلُوا ذِكْرِ C'est-à-dire ceux qui apportent les preuves dans leur dire. Et telle est l'une des particularités du savant face aux gens, qu'il est doté de science, d'un savoir sur lequel il se base pour guider les gens. بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى En toute divergence, au point de retour, مَاهُ كِتَابْ وَسُنَّةِ Et non le savant lui-même. On revient au kitab, la sunna, et pas au savant lui-même. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا Puis, si vous disputez, vous divergez en quoi que ce soit, envoyez-le à Allah et au messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, cela sera bien mieux et de meilleure interprétation, on peut dire aboutissement. وَإِلَّا Sans quoi ? Où serait donc la différence entre nous et les gens du livre ? Ce dont Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون Qu'ils ont pris leurs rabbins et leurs moines ainsi que Al-Masih, c'est-à-dire Isa, fils de Maryam, comme seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer une seule divinité. Pas de divinité à part lui. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'il lui associe. Qala l'imam al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, yani, par rapport à ce verset, yuhilluna lahum ma haram Allah, fa yuhilluna. C'est-à-dire qu'ils leur rendent permis ce que Allah leur a interdit. Donc eux, ils suivent, ils rendent également cela permis. Wa yuharrimuna lahum ma halallahu, fa yuharrimunahu. Et qu'ils leur rendent interdit ce que Allah leur a rendu permis. Donc par là, ils suivent en rendant cela également illicite. ويشرعون لهم من الشرائع والأقوال المنافية للدين الرسل فيتبعونهم عليها et qu'ils leur légifèrent des paroles et des règles s'opposant à la religion des messagers et les suivent en cela وكانوا أيضا يغلون في مشايخهم وعبادهم ويعظمونهم et qu'également ils exagéraient quant aux personnes de leurs mashayikh et de leurs dévots, c'est-à-dire les adorateurs parmi eux, les grands dévots, et qui les sanctifiaient, les élevaient. Yani, le rouleau. Intaha kalam. Donc, tout cela pour dire qu'actuellement, il y a une injustice flagrante, zulm mahd, et inacceptable venant de gens s'apparentant à la science et à la salafia. Il y a un abandon quasi total de la part de gens se disant appelés au livre, se disant appelés au haqq, et suivent le haqq. Yani, kitab wa sunna, ala, Fahmi al-Salaf al-Salih min hadil umma. De suivre le livre la Sunna avec la compréhension du Salaf. Alashim adib diddan. Mais ces fitnas comportent une sagesse. Comme toute fitna, wa adam al-hikmati al-balira, subhanah. Car cette Salafia est devenue à ce jour un petit peu trop facile à prétendre, verbalement et en apparence. Certains l'ont prise comme un effet de mode, pour suivre la vague et être avec les gens. D'autres, comme un business fructif et juteux. Et d'autres, comme un moyen de se faire connaître et d'attirer les gens autour d'eux. Et d'autres, d'en faire un moyen de domination et de contrôle sur les gens. Et bien d'autres raisons. Mais par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, elle reste très dure à accepter intérieurement pour les imposteurs. Et dans le suivi et l'application. Heureusement d'ailleurs que l'on puisse distinguer Al-Khabith min al-Tayyib, du bon du mauvais. Ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiz al-Khabith min al-Tayyib. Que Allah n'est point tel qu'il laisse les croyants dans l'état où vous êtes, jusqu'à ce qu'il distingue le bon du mauvais. Wa qala ta'ala alif lam mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa ya'lamanna al-kadhibin wa ya'lamanna al-kadhibin. Dans le sens, il dit alif lam mim, est-ce que les gens pensent que nous allons laisser dire nous croyons sans qu'ils ne soient éprouvés? Nous avons certes éprouvé ceux d'avant eux, afin que Allah sache ceux qui ont été véridiques et qu'ils connaissent les menteurs. Wa qala Shantiti rahimahullah ta'ala fi Awd al-Bayan. Wal ma'na anna an-nas la yutrakuna duna fitna ay ibtila'in wa ikhtibarin li ajli qawlihim amanna bal idha qalu amanna futinu ay imtahanu aw imtahanu wa ikhtibiru bi anwa' al-ibtila' hatta yatabayyana bidhalika الابتلاء الصادق في قوله آمنا من غير الصادق. Il dit, Cheikh Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, que les gens ne seront pas laissés sans être éprouvés, sans épreuve, sans, on pourrait dire, le test, du fait qu'ils aient dit nous croyons. Car à partir du moment où tu dis nous croyons, qu'ils aient dit nous croyons, ils seront éprouvés, testés, hein, par différents genres d'épreuves, afin que l'on puisse distinguer, que se distingue par cette épreuve le véridique dans sa parole, nous croyons, de celui qui ne l'est pas. Qu'a fait qu'on l'a ta'ala, wa l'abtali Allah ma fi soudurikum, le mahissa ma fi kulubikum, wallahu alimun bizati soudur. Afin que Allah éprouve ce que vous avez dans vos poitrines et qu'il purifie ce que vous avez dans vos cœurs. Allah, c'est ce que renferme les poitrines. Fin de parole. Donc, par sa grâce immense et sa grande miséricorde envers ses créatures, Allah a établi des signes distincts pour discerner le bon du mauvais, le menteur du véridique et l'hypocrite du sincère. Et parmi ces choses qui permettent justement de distinguer entre toutes ces catégories de personnes, il y a ce qu'on appelle el-fitna. Une fitna. Une épreuve. Donc, comme je le disais au début, cet homme, Abu Abdurrahman Yahya ibn Ali al-Hajuri, est devenu à ce jour l'objet de mépris et de diffamation, l'exutoire des gens au cœur malade. Hein? Cette épidémie contagieuse qui a fait le tour du monde, et elle a infecté le cœur d'un bien grand nombre d'ignorants. Lakin hadha min sunnatillah, telle est la tradition d'Allah subhanahu wa ta'ala, justement d'éprouver ses serviteurs pour leur lutte dans la propagation et la défense du tawhid, de la sunna du haqq, du jihad contre les gens du faux. Et il en résulte forcément des représailles. Les messagers des prophètes, alayhi salam, ont été les plus éprouvés et à leur tête, hein, et à leur tête notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela nous rappelle quoi? Ces quatre masa'il que presque tous nous avons appris. Dans quel livre? Al-Usul al-Thalatha. Wa qila kadhalik thalathat al-Usul. Quelles sont-elles ces quatre? Hein? Al-Ilmu, c'est-à-dire la science. Ou al-Amalu bih, l'application de cette science. Ou al-Da'watu ilayhi, l'appel à cette science. Ou al-Sabr ala al-Adha fih, et la patience face aux épreuves endurées. Hada ma'lum ladaykum. Donc actuellement, la masse dite salafiyya s'exclame que Cheikh Yahya, que Yahya al-Hajuri est un mubtadi', un innovateur égaré, et que les grands savants ont parlé sur lui. Voilà ce qu'on entend. Mais lorsque je leur demande pourquoi il est égaré, ils te disent, c'est les savants qui l'ont dit. Donc on leur demande pourquoi ces savants ont parlé sur lui. Car à la base, il était unanimement reconnu comme étant un salafi, et qui plus est un savant. Donc, hesh hasal, il s'est passé quoi entre temps? Car beaucoup ont pris le train en marche, comme on dit, et ne connaissent pas la locomotive, juste l'arrière des wagons et court derrière, pour beaucoup d'entre eux. Donc on leur dit, ça a commencé comment? En apparence, comme on dit bien, par la fitna d'Abdurrahman al-Adani, dont on ne va pas encore citer, hein, un grand nombre de preuves ont été données par sa hizbiya, preuves établies depuis bien longtemps, depuis des années. Cependant, malgré cela, il fut injustement et fanatiquement défendu. Dévoiler les gens du faux, ala wadibun alayna, une obligation. Et cette fitna, Cheikh Yahya al-Hajuri en était le plus savant. Elle s'est passée chez lui, dans son merkez, fi awsat tulabi. Donc au début, s'est passé quoi? Cheikh Rabir tenta d'appeler au calme, que tout le monde se taise, et de cesser la propagation des roudouds, des réfutations qui s'écrivaient. Et il exhorte Cheikh Yahya de se taire, ou à se taire. Et sachez que ce n'est pas la première fois qu'il ordonne à Cheikh de se taire sur des personnes méritant justement d'être dévoilées. Ce fut le cas pour qui? Farih al-Harbi, et pour Aboul Hassan al-Misri, et pour Salih al-Bakri, et ensuite al-Adani, et également Muhammad al-Imam, wa ghayruhum. Également, il fut rapporté de Cheikh Rabir, de source sûre auprès de nous, qu'il ait dit quoi? Et ce, après le premier blocus, que si jamais Cheikh Yahya al-Hajuri se réconcilie et yastarih ma mashaykh al-Yémen, fa'intaha al-umur baynana. Yani, que s'il se concilie avec les mashaykh du Yémen, qu'il n'y aura plus rien entre nous. Et à chaque fois, bi tawfiqillah, al-Sheikh Yahya asab. C'est lui qui avait raison. Donc pour en revenir à l'historique, les partisans de l'Adani avaient fait mine justement d'accepter ce conseil de Cheikh Rabia. Chose qui, à la base, min hafuddin, religieusement parlant, ne leur était pas permis. Car si le Hajjuri c'était un haddadi, dal, dangereux pour la Ummah, hein, il aurait été obligatoire de le dévoiler. Donc je dis bien, ils ont fait mine d'accepter. Pourquoi? Car à l'époque, ils avaient un forum de Eshir, le maquis de Eshir, qui est à Hadramaut, d'Abdullah Mal'i, le frère d'Abdurrahman. Au début, ils propageaient là-bas leur redoute et leur mensonge. Et quand Cheikh Rabir a fait sa nasiha, qu'est-ce qu'ils ont fait? On arrête tout, on écoute le conseil du Walid, on astaqim, on astalih mal hajouri. Et à la finale, ils ont fait quoi? Ils ont pris tous leurs redoute pour les placer où? Fil al-Wahiyyin, Shabakat al-Wahiyyin, dans le forum de al-Wahiyyin. Dont le but était quoi? D'innocenter les frères al-Adani et de salir al-Hajouri. Nous est venu qui par la suite? Al-Jabili, Ubay al-Jabili, qui lui s'est aussi immiscé en se tenant grand défenseur de l'Adani dans cette fitna. Par le biais de quoi? L'affaire de Al-Jamia al-Islamiyya, l'université islamique de Medina. C'est faisant pourquoi? Sur quoi? Des paroles coupées de Cheikh Yahya. Et tout est présent, pour qui veut revenir sans s'étaler, tout est présent. Pas la peine de reciter ces choses-là. Hein? Tout le monde qui a lu ces redoud, qui a suivi l'affaire, a pu voir qu'en réalité, c'est lui, c'est-à-dire Obeid, qui fit preuve d'agressivité et d'impolitesse et de mauvais comportement et de rudesse. Donc Cheikh lui a répondu au début avec tact et respect. Puis lorsqu'il fut clair pour tous, hein, que le ta'assoub de Obeid est devenu wadih, clair pour tout le monde, alors là, il s'est passé quoi? Il a employé le temps pour prier la situation. Mais cela est allé sur une période assez longue, ça ne s'est pas fait en deux jours. Donc, intabihu il est taqlib al-haqa'iq. Attention, prenez garde au retournement des réalités. Hein? De dire que c'est al-Hajouri qui diffame les savants. Obeid, on est arrivé, en son ta'assoub, à diffamer man Shu'ba ibn al-Hajjaj, émir al-Hadith fi zamanihi fi l'Irak, qui était le chef des croyants dans la science du Hadith en Irak à son époque. Pour le comparer à qui? À Cheikh, justement, dire qu'il était trop dur. Il en est arrivé à sortir des choses ahurissantes pour quelqu'un qui dit comme étant un grand savant que Cheikh Yahya s'était fait envoyer de Demej à la Kalem, la Oslala. Aucune origine à ça. Qu'il ait travaillé dans une brocante où on vendait tout en un ou deux riyals, et avec Azadik, la Oslala. Aucune origine à ça. Que du mensonge. Il emploie des thèmes de takfir. Il a voulu inciter les Demejites à se servir des autorités pour faire exploser Cheikh Yahya. Et le comble, c'est qu'il l'a qualifié à la fin de Iblis, Iblis al-Yémen. Et bien entendu, on sait qu'il a voulu revenir de cette parole-là. Il a fait Nialen. Voilà à qui il irtazara il est Cheikh Yahya. Est-ce qu'il s'est excusé au Shir directement? C'est-à-dire faire passer des excuses? Abaden, il ne l'a jamais fait. Wahada Michurut et Toba. Il est wakarta fiyad akhik. Quand tu tombes dans l'honneur de ton frère, parmi les choses de la Toba, que tu t'excuses auprès de lui. Mayakfi, takul tarajat, akaza. Non, tu as parlé sur lui, il a été au courant. Il a entendu. Parmi les Shurut, que tu lui rends son droit et que tu t'excuses auprès de lui. Est-ce qu'il l'a fait? Qu'elle l'a. Donc pour nous, cette Toba-là, quand je dis pour nous, fait un dit dunya, ma tortabat tarajuan. Elle n'est pas considérée, donc on continue à prendre cette parole-là. Hatta tatem et shurut tamaman. Donc on avait les machins du Yémen également, qui reconnaissaient que l'Adani était fautif. Mais de l'autre côté, il le couvrait. Il y avait le Wasabi, qui faisait mine de vouloir calmer également l'affaire, et qui part en dessous. Hein, qu'est-ce qu'il faisait? Il incitait les gens à lire les fascicules écrits par les inconnus contre Cheikh. Sans compter ces autres erreurs. On ne va pas encore les évoquer ici. Donc après avoir longtemps patienté, Cheikh a fini par quoi? Par répondre durement. Comme aurait fait tout être humain. Ensuite, on dit qu'elle hajouli parle sur les savants. La ilaha illallah. Et après le wasabi les autres, voilà qu'ils se sont passés le relais, à tour de rôle, à parler sur qui? Sur le hajouli. Sans ne ramener quoi que ce soit de concret. Hein? Donc il s'est passé quoi? Shir, il leur répondait: La yuhibbullahu al-jahra bisu min al-qawl illa man zulim wa kana Allahu sami'an 'alima. Allah n'aime pas qu'on profère de mauvaises paroles sauf quand on est injustement provoqué. Et Allah est audient et omniscient. Adam il qawli Allah ta'ala. Tu peux parler durement si on s'en est pris à toi. Hein? Sans compter également l'affaire du livre al-Iban. Tout le monde sautait sur le livre, qui était un bon moyen de faire obstacle, ou de tenter de faire obstacle à l'Hajouri, pour sauver l'Adani ou Wasabi, ou Réilihima. Avec le nom de Cheikh Rabir sur la couverture, et également certaines annotations à l'intérieur du livre. Donc le livre est devenu le livre référence. Donc, Cheikh Yahya wa Tullabu, Yantakidun Akhta Mujuda Fil Kitab. Il réfute le livre. des erreurs que contient ce livre. Dès sa parution, il démontre ces règles innovées, règles pour lesquelles Al-Halabi et Abul Hassan ou Ghayruhuma et autres que eux ont été rendus innovateurs par qui? Par Cheikh Rabia lui-même. Mais Mohamed Al-Iman, à ce moment-là, rien. Bel, Difa, des éloges, en apparence. Donc le Hizbi défend le livre. Ils en font la promo. Le livre est édité. Cheikh Rabia ne dit toujours rien sur le livre. Donc qu'est-ce qui se passe là? Al-Halabi réagit et il montre la contradiction flagrante face à ce livre. Et lui dit de lui-même que ce livre et le sien sont les mêmes. Et qu'il se fait baddar pour ce livre. Donc pourquoi Mohamed Al-Iman n'a rien du tout contre lui? Donc là, Cheikh Rabia s'est vu contraint de quoi? De critiquer le livre. Lakin, à la tariq, à kada, bi sur'a. Yani, de façon assez furtive, rapide. Bidoun tafsil. Hein, sans détail, ni clarification que son nom fut associé à ce livre. Voilà, bayen, voilà, shay. Khayr. Et quand Cheikh Yahya, lui, leur démontre cela, qu'est-ce qu'on dit? El-Hajuri, yatakalem al-ulama. Il part sur les savants. En même temps, Obel Jaberi nous sort un grand nombre de fatawas, fausses, dangereuses, s'opposant clairement au Kitab wa Sunnah. Les gens de Mejj répondent El-Hajuri wa Tulabu, et Takalamun et Tuanun fil ulama. El-Hajuri, c'est Tulab, parle sur les savants. De même que Farkos, fil Jazair, des fatawas inadmissibles, au fondement transgresseur, hein, à la compréhension des salafs et des savants de la Sunnah. Les gens de Mejj réfutent ces fautes avec Dalil. Noshanil Umma. Qu'est-ce qu'on dit? Al-Hajuri, ses élèves, parle sur les savants. Depuis de l'affaire, depuis le début de l'affaire, Al-Adani, Shir démontre, et eux refusent. À en semer quoi? Al-Furqa, la division, avec des procédés non légiférés et innovés. Quand Shir se défend et réfute, Al-Hajuri et ses toulèbes parlent sur les savants. Et comme Shir l'a cité en exemple, hein, c'est comme si tu disais, je te frappe injustement, et non seulement tu n'as pas à rendre le coup, mais en plus, tu n'as même pas le droit d'exprimer ta douleur. Tu subis, c'est tout. Ma hada? Andaman hada? Moi, je reconnais, Naam, qu'il est vrai que pour notre part, il nous est arrivé, nous-mêmes, d'avoir tenu des propos inappropriés et inutiles pour ceux qui détiennent le haq. Hein, sur le site, ce genre de choses, on a eu des paroles, des fois, en effet, qu'il ne fallait pas. Lakin, à chaque fois qu'on a fait le tambi, on s'en excusait. Même des frères de Demmej nous ont conseillé. Là, si on reconnaît, c'est vrai. Nastaghfirullah wa natubu ilayh. Min hada. Cependant, il y a des gens qui poussent à bout. Des années d'injustice et d'abandon de la part de ceux qui seraient censés être les plus proches de nous. Offensés à tout va, à Walel, par les koufars. Par les muqtadi'a. De toute secte, hein, comprise. On nous traite intégristes, extrémistes, wahhabiya. Mourji'a par les takfiri, takfiri par les rafida, mujassima par les jahmiya et les asha'ira, c'est-à-dire comme les arbèches par exemple. Hein? Et également, il est probable que certaines informations qui étaient diffusées s'avéraient être fausses. Certaines. C'est possible. Kazalik. On a sallallahu yafou, yafou anna. Et qu'Allah nous en pardonne. Pour ma part, aujourd'hui, je tiens à m'excuser sur un point important, à faire tawbah. Ce qui concerne l'affaire de Cheikh Mohamed Ibn Hadi. Lorsqu'on a dit de lui qu'il a dit que Cheikh Mokbil c'était un Juhimani. Naam. Donc, Adha Kalem, Makan al-Nabari, et Nunqal Anna. Moi je ne me rappelle pas ce que je l'ai traduit, ou est-ce que j'en ai fait des ta'liqat. Ala kullin, astaghfirullah wa atubu ilayh. Pourquoi? Comment cela est arrivé? Tout simplement que, en fait, ce Kalem attribué à Cheikh Mohamed Ibn Hadi, il s'avère que l'isna ne tient pas. C'était Cheikh Saïd Daras, rahimahullah ta'ala, qui l'avait rapporté. Et quand il est venu, je lui ai demandé est-ce que tu as entendu ça de tes oreilles? Il a dit non. C'est quelqu'un que je connais, qui est El Medina, qui a cité un des cours de Cheikh Mohamed, qui l'a entendu de ses propres oreilles. Et ce frère que je connais, c'est un fiqa. Seulement, je ne peux dire qui il est pour l'instant. Pour des raisons, Allahu alam mahiya. Mais il a dit que si jamais Ibn Hadi dément cette information, ce frère alors va se manifester. Donc, Cheikh Mohamed a parlé. Et a laissé apparaître un démenti de cette parole. Après, Cheikh Saïd Daras est parti. Je ne l'ai pas revu. Il s'est effectué par les Rafida. Et malgré cela, ce shahid, témoin, ne s'est jamais manifesté à ma connaissance. Donc, on a un majhoul. Donc, là-dessus, Shal'an, ce khabar ne peut être accepté ni être propagé. S'il n'y a plus un surplus de, d'informations sur cette affaire d'autres personnes, Allah a'lam, moi, ce qui me concerne, comme je vous le dis, astaghfirullah wa atubu ilayh, de l'avoir propagé. Mais comme je vous dis, je ne me rappelle pas ce que moi, Khalil, je l'ai traduit, je ne me rappelle pas. Lakin mahma kan hadha la yughayyiru shay'an min asl al-qadiyya. Quoi qu'il en soit, cela ne change en rien la base de l'affaire. Donc pour revenir à ce que je disais, que la base de la divergence, c'était al-adani. Et aujourd'hui, nas'alukum, on vous demande, que disent-ils sur lui? Hein? Aujourd'hui, que disent-ils après l'avoir défendu sur lui? Donc je vous demande, qui donc avait raison, bifadlillah? Donc je conseille quoi là? Allez voir ce qui fut écrit sur lui par les gens de Demej, les raisons de son renvoi, de son tahzib, le fait qu'il était rendu hizbi, comme par exemple dans le Risala, le Mukhtasar al-Bayyan. Et dites-nous si les faits qui lui sont reprochés ne sont pas les mêmes, une fois de plus, que ceux qu'on lui reproche actuellement. Hein? Vous le jugez par vous-même. N'était-il pas du devoir d'où Salafi, à ce moment-là, de secourir la vérité, dès son début? Et cela laisse apparaître clairement que la chose qui a empêché les frères d'accepter, c'est le taqlid des individus. On suit. Yani, des preuves ont été données. Des témoignages ont été donnés. Des réalités ont été dévoilées, démontrées. Et tout cela a été rejeté en bloc. Pourquoi? On attend de voir ce que Charabia va dire. Devant toi, tu mets une preuve? Non, j'attends de voir ce que Charabia va dire. La preuve, tu sais qu'elle est vraie. Charabia n'accepte pas. Non, Charabia n'a pas accepté, donc je ne l'accepte pas non plus. Ada Mahou, Ada Taqlid, Ada Taqlid, Ada Taqlid et Mazmoum. Ça, c'est l'imitation suivie aveugle. Hein, celui qu'on réprimande en religion. Par contre, après cela, Charabia et ses auxiliaires n'ont dit que quelques phrases. Sans beaucoup de preuves à l'appui, et khlas, el-adani a été délaissé aussitôt. Pareil pour qui? Mohamed el-Imam. Depuis combien de temps Mohamed el-Imam défend les rafidans, ouvertement? Nas'alukum billah, depuis quand? Hein? Cela fait des années. Aina kana haoula? Ils étaient où à ce moment-là, quand les gens de Damasch parlaient? Personne. Limaza, Allahu a'lam. Donc on vous demande, est-ce que el-Adani a changé après que Cheikh Yahya ait parlé sur lui, ou qu'il était réellement comme ça depuis le début? Car on pourrait dire, c'est une coïncidence. En tout cas, cette coïncidence s'est beaucoup répétée dans l'histoire avec ses prédécesseurs. Hein? Où Cheikh commençait à parler sur eux, et à la finale, on lui dit de se taire, à la finale, et ben ces gens sur qui il parlait s'avéraient qu'ils étaient vraiment des gens égarés. Et certains, pleins d'orgueil, mutakabbiruna, se permettent aujourd'hui de dire, hein, que dans l'affaire d'Abul Hassan, Cheikh tenait de mauvaises paroles. Donc voilà pourquoi on n'acceptait pas de lui. Mais quand Cheikh Rabir est venu, alors après il a clarifié son cas, Abul Hassan. Naam, voilà ce que certains disent, pour ne pas accepter. C'est comme si il avait pour règle, pour des gens, que personne ne parle avant que Cheikh Rabir n'ait donné son aval. Que tu aies raison ou tort. Au risque d'être jugé de quoi? Transgresseur, mukhalif, lil menaj et salaf. Hein, que tu as transgressé le ménage des salafs, que tu n'as pas d'adem, et que tu n'es pas avec ses savants, et autres. Donc au début, au tout début, on n'entendait rien comme faute énorme sur le hadjouri. Ensuite, des individus avec des pseudonymes lui cherchent des erreurs dans la aqida. Car pourquoi? Il faut bien trouver de quoi détourner les gens, et les éloigner de lui, pour ne pas qu'ils puissent écouter ce qu'il a à dire. Mais comme ils n'ont rien trouvé, qu'ont-ils fait? Ils sont partis chercher chez leurs salafs. Des mensonges des partisans de Al-Harbi dans le forum Al-Athari. Et chez également les forums, les partisans de Abul Hassan et d'Al-Bakri. C'est là que se portait pour les erreurs. Salih al-Bakri lui-même le dit, qu'Arafat a pris de lui. Lakin, tayyib. Donc des prétendues erreurs qui datent d'un bien grand nombre d'années passées. Hein? Des prétendues erreurs datant d'un bien grand nombre d'années. Au début, elles se propagent principalement sous signé Al-Barmaki. Puis tout d'un coup, Hakada, ça devient Cheikh Arafat ibn Hassan al-Muhammadi, ou al-Basiri, grand élève de Cheikh Rabi et de Cheikh Ubayd al-Jabiri, avec Tazkiya des Mashayikh d'Al-Madina. Hakada. Un parfait inconnu pour la masse francophone, à la base, Hein, je parle de ceux qui sont là-bas. Peut-être ceux qui sont à El Medina ou ailleurs, quelques-uns le connaissent, mais à la base, c'est pour la masse. Majhoul, tamaman. Et en l'espace de quelques mois, il est devenu en l'espace de quelques mois, Cheikh Arafat, celui qu'on appelle pour avoir des mises en garde. Donc maintenant, les salafis actuellement là, se retrouvent devant quoi? Une mise en garde d'une personne qui était reconnue unanimement, c'est-à-dire par exemple la Sunna, comme étant un salafi. Et comme nous l'avons dit, qui plus est, un savant. Donc un tabdir, le fait de rendre innovateur, c'est une chose qui est basée sur une aqidah, sur une croyance. Tu ne peux qualifier un musulman de mubtadir si ce n'est par quoi? Par croyance. Et la croyance se base sur quoi? Des adillah, des preuves. Des simples mises en garde ne suffisent pas. Ça ne suffit pas. Et eux-mêmes, hein, ces gens-là, agissent de la sorte, quand ça va pour qui? Dans leur sens. D'où la mise sous silence des mises en garde de Obeid Jabili sur qui? Ahmed Bezmoul, El Outaibi, Ada Adib. Pas de diffusion sur leur site, ni sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur leur compte à eux. Pas de vidéos sur YouTube, rien. Rien. Soukout, tamam. Payé. Donc en gros, il reproche quoi al-Hajj Ouli à ce jour? Hein? Parmi les pires choses qui lui sont attribuées, à Walen, qu'il diffame le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant quoi? Qu'il se peut qu'il n'ait pas vu juste dans certains procédés de la darwa. Ce point-là a été clarifié. Qu'il n'accepte pas que l'on prenne un avis opposé au sien dans le sujet à divergence. Même qu'il est mutashaddid. Azakazalik, ça a été clarifié. Qu'il dit que les gens de la Sunna sont le groupe le plus proche de la vérité. Chose déjà clarifiée. Que la zen de Hoffman est une bid'a, innovation. Et certains ont rejeté même, il y a une innovation mère. Je ne sais pas d'où vient le mot mère, il a été trouvé, mais bon, il a été rajouté. Donc également, chose déjà clarifiée. Que des sahaba, radhiyallahu alayhim, ont participé au meurtre de Hoffman, radhiyallahu anhu. Chose également déjà clarifiée. Que le Raja est apparu chez les sahaba, chose déjà clarifiée. Qu'il tient des propos des Asha'ira, chose également déjà clarifiée. Qu'il voit qu'on n'accepte pas la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est avec quoi? Un dalil. Mais là, billah alaykoum, il faut reconnaître quand même que cela est énorme. Qu'un musulman puisse dire qu'un hadith sahih, authentique, a besoin d'un dalil pour être accepté, mais si on réfléchit et qu'on n'accepte pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de qui on va accepter? De plus, ne savent-ils pas que Cheikh Yahya, c'est un muhaddith, un savant dans le hadith, responsable du centre se nommant Dar el-Hadith, c'est-à-dire la maison du hadith, qui lui enseignait depuis des années un bien grand nombre de livres, dont les principaux étaient quoi? Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim, al-Jami' al-Sahih al-Hisham Muqbil, rahimahoullah jami'an, ces livres en continu, des livres n'étant composés que de hadith. Que de hadith, après on dit qu'il n'accepte pas la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est avec un dalil. La ilaha illallah. Et comme ça, on peut aller très loin avec cette voie-là. On peut même aboutir à dire qu'on refuse le Coran. Pourquoi? Le Coran, à Raman Nazal, sur qui il est descendu? Sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré cela, vous trouvez des gens qui osent croire cela et le propager sans gêne. Ma lakum, kayfa tahkum. Hein? Qu'avez-vous donc? Comment vous jugez? Également, qui se prend pour l'imam des djinns et des hommes, imam al-Thaqalayn, qui l'aime qu'on fasse ses éloges. Et tout cela a déjà été clarifié bi-iznillah ou alhamdulillah. Que les sahaba ont désobéi deux fois lors de la bataille de Badr. Hadha kadhalik, déjà clarifié, qu'il a du rouleau. Et tout cela, les redoutes sont présents sur le site, et alhamdulillah, le frère Mounir, hafizallahu ta'ala, a fait des audios, hein, où il évoque justement les réponses à ces shubuhats. Donc là n'est pas le sujet pour y répondre. Donc là, on se trouve face à quatre cas de figure, face aux accusations de ces gens à l'encontre de Cheikh Yahya. Soit de purs mensonges, paroles coupées ou sorties de leur contexte. Soit des sujets à divergence autorisés, c'est-à-dire qu'il y a des salafs avec lui, même s'ils ne sont pas tous d'accord, il y a des salafs avec lui. Tamam ? Et là je ne parle pas de khilaf. Il a dit, Bab el-Tamir, genre, les savants vont diverger, donc on pense qu'on veut. Non, je parle d'un khilaf mortaba. Considéré. Ou soit, des points sur lesquels il est revenu. Ou soit alors, ce qu'on appellerait, sabq el-lisan. Que sa langue est devancée. C'est-à-dire des paroles, tu as voulu dire une chose, et tu en as dit une autre. Il y a un, je ne sais pas si on peut dire lapsus, à la colline. Et cela arrive à qui? À tout être humain. Kama qala ta'ala, وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais vous serez blâmé pour ce que vos cœurs font délibérément. Allah cependant est pardonneur et pardonneur et miséricordieux. Et également fait Kitab al-Ajlumiyya les man qaddarasa, ce qu'on étudie fi bab al-badal, hein, fi tawabi' bab al-badal. Qu'est-ce qu'on a comme badal? Quatre gens. Badal al-kul min al-kul, badal al-ba'd min al-kul, badal al-ishtimal wa badal al-ghalat. Badal al-ghalat, c'est quoi? Que tu as voulu dire une chose, tu en as dit une autre. Par exemple, tu as voulu dire Ja'a Zaydoun, tu as dit Ja'a Muhammad. Donc tu dis Ja'a Muhammadun, yani Zaydoun. C'est une chose qui est même dans la langue arabe qui a été prise en considération tellement elle est fréquente. Badal al-gharat. Que tu as voulu dire une chose, mais que par inadvertance, tu en as dit une autre. Ou bien que ton cœur était de dire une autre chose. Ça, c'est une chose tabi'iyya. Vous voulez un exemple de lapsus? Sabak al-lisan, fait par Obel Jaberi, extrêmement dangereux, bien plus que celui qu'ils ont dit à Shayahia, lorsqu'il dit فيتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا له أمثلة كثيرة مثل أسارة بدر فإن الله عز وجل استشار الصحابة استشار أبا بكر وعمر فكان رأي عمر أن يقتل كل أناس من كان منهم من الأسرى. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a consulté Abu Bakr et Omar. C'est quoi ça? À la zahiri, à la kouf. Ça, c'est du kouf, cette parole-là. Que Allah a consulté sa créature. Donc, si ces gens-là, hum ashabul insaf, ils sont des gens de l'équité, donc on va les laisser agir avec Al-Jabiri comme ils l'ont fait avec Al-Hajjouri, s'ils sont véridiques. Donc en fait, leur rouleau prétendu, c'est juste que Al-Hajjouri ne se plie pas à leur demande, comme cela se produit dans chaque fitna lorsqu'ils lui disent de se taire, et qu'ils parlent trop, hein, et qu'ils n'acceptent pas leurs conseils. Voilà. Voilà ce qu'on reproche envers Al-Hajjouri. Son insubordination, on l'accuse de diviser, car elle ne se met pas dans leur rang. Et la division de l'islam, ce n'est pas le fait de ne pas suivre Sharabia. Aslahakumullah. La division est causée par celui qui ne suit pas le haq. C'est lui, le mufarriq, c'est lui qui fait la forqa. Al-jama'ah, le groupe, c'est man wa al-haq, wa law kana wahda, celui qui est le haq, même s'il est tout seul. Comme a dit Ta'ala, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yaku min al-mushrikin. Que certes, Ibrahim était une umma à lui tout seul, parfait. Il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, il n'était point du nombre des associateurs. Quand Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, al-jama'atu man wafaqa al-haq wa in kunta wahdak. Hein? Ibn Mas'ud, il a dit quoi? Que le groupe, c'est celui qui coordonne avec la vérité, quitte à ce que tu sois tout seul. Quand Ibn Aym, Ibn Hammad, إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد قبل أن تفسد وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ وذكروا شو البيحقي وغيرهم. Il dit quoi? Que si jamais le groupe s'altère, hein, est en discorde, alors toi reviens ce que ce groupe était avant qu'il ne se corrompt. Quitte à être tout seul, car à ce moment-là, c'est toi le groupe. Et Bayhaqi a rapporté la même parole. Quand Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, fi kitabi, i'lam al-waqi'in, wa'alam anna al-ijma' wal-hujjah wal-sawad wal-a'zam wal-alimu sahibu al-haqqi wa inkana wahda. Il a dit qu'Ibn Qayyim, sache que le consensus et l'argument et la grande masse sombre, comme je ne sais pas si on pourrait traduire comme de cette façon-là, la plus grande masse, c'est le savant qui détient la vérité, même s'il est tout seul. Même s'il est tout seul. Donc les gens du faux et qui y appellent sont eux qui sèment la division. Quel que soit leur nombre et qui qu'ils soient dans leur rang, cheikh un tel ou un tel. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ. Tel est Allah, votre vrai Seigneur. Et au-delà de la vérité, qu'y a-t-il donc? sinon les garments. Comment alors pouvez-vous vous détourner? Ils te disent haddadi. Hein? Haddadi. Donc voilà leur conception d'une haddadiya, tout à fait utopique. Tu n'obéis pas à Shérabia. Haddadi. Car beaucoup aujourd'hui, beaucoup, ont fait d'eux. Les haddadi, en fait, qui sont les haddadi pour eux, ce sont les salafis, qui sont disposés à réfuter Shérabia sur les points, on va dire, sur les points où ils le contrediraient. Et cela avec des arguments. Donc comme ils n'ont rien à dire, ils ne peuvent faire face, qu'est-ce qu'on fait? On taxe de haddadi. Sans reconnaître ni les fondements, ni les signes définis par Shérabia lui-même. Et combien se sont mis à écrire sur le net en cachant leur identité, en propageant des mensonges et des paroles coupées et sorties de leur contexte. Hein? Min Arafat al-Haddadiya, alors. Parmi les signes de la Haddadiya. Et alors, peut-être qui? Leur fameux nouveau cheikh, Arafat al-Muhammadi, qui écrivait derrière quoi? Le nom al-Barmaki. Donc, Bissidq, l'exagération, elle est roulou, et nettement plus, l'exagération, est bien plus présente, et nettement plus présente chez les suiveurs des fanatiques de Cheikh Rabi, de Obed Diabeli, et autres. Pourquoi? Car ils se refusent d'accepter que l'on refuse ses fatwas ou ses paroles. Parmi leurs roulous, qu'ils ouvrent plein de forums, qui s'y inscrivent en masse pour propager les mises en garde, à tout va, contre qui? Al-Hajjouri. Et des fois même, c'est la même personne qui prend différents pseudonymes. Un fait différents noms pour pouvoir dispenser à droite à gauche. Qu'ils font un tas de vidéos de mise en garde de même parole, ils en font plusieurs. Ce qui laisse croire quoi? À celui qui écoute, qui lit, qui a plein de savants qui ont parlé, plein de fois, et qui ont porté plein d'arguments, plein d'éléments. Et au final, tu te rends compte qu'en fait, quand tu regardes, il n'y a pas grand monde en réalité. Il y a encore moins des savants. Beaucoup sont empêchés, mais ne sont pas des savants. Parmi ceux qui mettent en garde. Beaucoup sont empêchés, mais ne sont pas des savants. Donc c'est sûr que cela, ça impressionne la masse ignorante. S'imaginant avoir affaire aux plus grands éléments du siècle. Al-Hajjouri, Adal al-Nas, Fiadazdana. Par contre, je précise que nous n'avons pas croyance au pomène Hajj qu'il faille une unanimité, un ijma' ou qu'un yani kafat al-ulama, un grand nombre de savants aient parlé sur l'individu pour accepter une mise en garde. Na, abadan. Même s'il est tout seul, même s'il n'est pas le plus savant, mais qu'il fait partie des gens qualifiés et qu'il apporte des preuves, sa parole est acceptée. Madame Shiela dit Qaïda, elle m'oumayya, elle m'oumtada. Donc, là, je vais citer quelques maftoun liés à la dawa francophone. Parmi ceux, justement, qui exagèrent. Parmi eux, il y a qui? Issam, Abou Kawfar de Villiers, El Maghrebi. Parmi son rouleau sur Charabia, qu'est-ce qu'il dit, lui? C'est-à-dire, moi, pour moi, Charabia, il dit blond, je dis blond. S'il dit noir, je dis noir. S'il prend la sandale et tout me frappe parce que je vais les voir, je dis, barakallahu fik, je lui embrasse la main. Dans ce sens. Femme Salah, Koulouha, fait un kalem. Et moi, quand Cheikh Rabi Idi al-Aqidah, mais ça fait un, pour moi, ça fait un. Je ne cherche pas midi 14. Ah, là, qui fait le sammahada? Pensez-vous qu'il va dire, si Cheikh Rabi Idi al-Haq, on suit, ma mawa kwa l'imam Malik, rahimallahu ta'ala, anna, kul, anna kullan yukhaz, ayurad nikoulihi, illa sahib ada kabr, fil ma'ana. Hein? Qu'il l'a dit quoi, l'imam Malik, que tous sa parole est acceptée ou à refuser, hormis celui qui est dans cette tombe, en indiquant la tombe de qui? Du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et également sur Issam, reste bien discret quant à son parcours scientifique. Auprès de quel savant de la sunna a-t-il étudié? Également, cet homme m'en sent honte, et il est prêt à débattre avec un arbèche dans son masjid devant tout le monde, en présence de débutants, comme l'ont fait remarquer les frères. Et lorsqu'un frère Thabit a voulu parler avec lui dans le masjid et s'exprimer sur la fitna ou ce qui y ressemble, qu'est-ce qu'il fait lui? Il crie sur lui. Pourquoi? Empêcher de parler, que les gens puissent entendre ce qu'il a à dire. À la manière de qui ça? Des mouchriquines qui veulent empêcher les gens d'entendre le haq. Comme a dit Allah Ta'ala, wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha al-Qur'an waghluu fihi la'allakum taghribun. Et ceux qui avaient mécru dire, ne prêtez pas l'oreille à ce Qur'an et faites du chahut, hein, afin d'avoir le dessus, c'est-à-dire que les gens ne puissent pas l'entendre. Ah, subhanallah. Moins de jalousie pour Allah et ses noms et attributs que pour Obeid ou Cheikh Rabi et autres. Mais alhamdoulilah, notre frère Jibril Abou Abdillah Zahiri a écrit un rod face à certaines de ses erreurs. Et également le frère Mounir, Hafizahullah Ta'ala, qui a fait un rod à Issam sur une de ses règles, de ses paroles, il dit quoi? Il dit que le mubtadir, c'est celui qui lance la bid'ah awalan, en premier. Et non celui qui le suit. Adjib, Mais malgré tout cela, qu'est-ce qu'il a fait? Cela ne l'a pas empêché de dire que Cheikh Yahya, c'est un Haddadi, ainsi que ses élèves. Alors que c'est qui le Mouassas de la Haddadiya? C'est qui le fondateur? C'est Mahmoud al-Haddad. C'est Mahmoud al-Haddad. Donc vous voyez le tanakoud, pure contradiction. Parmi eux également, nous avons qui? Suleyman al-Haïti. وَهَذَا الرَّجُلْ جَاهِلْ مُرَكَّمْ. C'est un jahil murakkam, c'est-à-dire quelqu'un qui a une ignorance préconçue, préfabriquée, comme on dirait, ou Allah alam. C'est quoi? Un jahil murakkam, c'est quelqu'un qui croit qu'il sait alors qu'il ne sait pas. هَذَا أَشَدَ النَّوْ. T'en as des gens, c'est des ignorants, ils le savent qu'ils sont ignorants, donc ils ne parlent pas. Mais t'en as, ils croient qu'ils savent, alors qu'ils ne savent pas. Et lui, il fabule sur Cheikh Yahya en répétant tout naïvement ce qu'il entend. Hein? Et que lorsque les réfutations scientifiques fusent sur lui, en démontrant la nullité de ses paroles, il sort quoi? La carte du modeste perdu dans son coin du Québec et se cache sans répondre. Pour lui, cet homme, Suleyman al-Haïti, et presque beau, et beaucoup d'autres également, il est inadmissible de reprocher des choses à Cheikh Rabia. « وَلَمْ يَقُلْهُ بِاللِّسَانْ الْمَقَالْ فَقَدْ قَلَهْ Bilisan al-Hal. S'il ne l'a pas dit par ses paroles, ben ses actes amènent à cela. Comme si Cheikh Rabi était infaillible, ma'soum. Sans quoi, celui qui passe au Cheikh Rabi est comme al-Halabi, Abu al-Hassan et les autres. Hein? On dirait que pour eux, Cheikh Rabi est sur une voie garantie jusqu'à la mort, qui ne peut être éprouvée. Enfin, on lui rappelle à lui et à ses semblables, Hadha al-Kalam ibn Mas'ud, Ma'adha qal, La yukallidanna ahadukum, Fi dinihi rajulan, Fain aman. Aman, wa in kafar, kafar. Wa in kuntum la buddha muqtadina, faqtadu bil mayyit. Fain al hayy, la yu'man alayhi al fitna. Il dit quoi, Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qu'aucun d'entre vous n'est à imiter un homme de sa religion. Car si cet homme croit, lui aussi va croire. Mais si jamais il me croit, lui aussi il va me croire. Par contre, si vous devez vraiment suivre, alors suivez le mort. Prenons un exemple le mort. Car le vivant n'est pas à l'abri d'être éprouvé de la fitna. Et nous, ce qu'on reproche à Cheikh Rabi est irréfutable et incontestable. Le frère Abu Lokman, hamdoulillah, a évoqué un certain nombre de faits à son encontre dans son rôle justement à Suleyman. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, je vous invite grandement. Allez écouter, tastafidoun biiznillah. Les faits ne sont pas des paroles en l'air. Comme l'ont fait justement Abu al-Hassan et al-Halabi, qui eux veulent. C'est quoi leur but à eux? Défendre leur manhaj dévié avec leur défense des gens du fond, et d'établir des règles innovées. Nous, on défie Suleyman, et le Haïti, de nous citer quels sont les mubtadi'a que Cheikh Yahya défend, et pour qui il divise un da'wa à cette heure. Qui? Manhum. Quant à ceux que vous êtes acharnés à défendre, à vouloir défendre, eux l'ont fait avec l'Adani et compagnie. Ils ont défendu, ils ont divisé. Et ça, on a des preuves à l'appui. Suleyman critique ces gens-là, justement. Comme qui? Abu al-Hassan, al-Halabi, et consorts. Sans qu'il se rende compte que lui-même abdique par ses faits, justement de leur règle. Comme c'est présent dans le livre Libana également de Mohamed al-Imam, ou dans le livre de Cheikh Abdul Mohsin al-Abbad, Defkan Ahl Sunnah, bi Ahl Sunnah, ce livre qui lui-même a été critiqué. Quelle est cette règle? Que le grand nombre de profits apportés par un savant, son grand statut, et ses grandes actions, empêche à ce que l'on ne parle sur lui, qu'on le critique, et cela dans l'absolu, qui n'est pas critiquable. فقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يجيب أن نبين الحق الذي يجيب اتباعه وإن كان فيه بيان أخطاء من العلماء والأمراء. Il dit quoi, Cheikh l'Islam, qu'il est obligatoire de démontrer la vérité, celle qui doit être suivie, quand bien même elle contiendrait le fait de démontrer les erreurs des savants ou des gouverneurs. Alors moi je vois le fatawa volume 19, page 123. Wa qala fi ibtal at-tahlil, page 159, al-ittifaqu ala wujubi inkal al-khata, al-mukhalif lil-kitab wa sunnah wa al-ijma', qu'il y a unanimité quant à l'obligation de blâmer l'erreur s'opposant au livre et à la sunnah, ainsi que au consensus. Hadha wajib. Wa qala fi majmu' al-fatawa kadhalik, fi al-kalam ala al-'udhr. Il a dit, quant à ce qui est l'excuse de celui qui aurait fait un ijtihad dans une erreur, qu'est-ce qu'il dit? وَلَمْ يَدْخُلْ فِي ذَلِكَ مَنْ يَغْرِبْ الْهَوَى ويصرعه حتى ينصر ما يعلمه أنه باطل أو ما من يجزم بالصواب قول أو بخطأ من غير معرفة بدلائل ذلك القول نفيا أو إثباتا. Qu'est-ce qu'il dit? Que cette excuse justement du mujtahid ne rentre pas sur celui qui a été pris de passion à tel point qu'il en sauve, qu'il veut secourir ce qu'il a su qui était faux. Une chose qui était fausse, il vient à vouloir la secourir. Ou alors qu'il affirme avec conviction une chose comme étant vraie, comme étant fausse, sans reconnaître les preuves. Que ce soit par l'affirmation, que cela soit par affirmation ou négation. Par exemple, une chose elle est fausse, il dit qu'elle est fausse, mais il n'en connaît pas les preuves. Il parle sans science. Une chose elle est vraie, il l'affirme qu'elle est vraie, sans science kazalik. Ben lui, il n'est pas excusé par le yani le rose du mujtahid. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في نار 70 خليفة متفق عليه. كابو هريرة il a dit quoi? Que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم a dit que certes le serviteur prononce des fois une parole sans s'en rendre compte pour tomber par cette parole-là dans le feu d'une distance de 70 printemps. Une parole. Tamam? Wa kadhalika nazid al hada. Quel était le statut de Iblis? Lanatullah alayhi. Avant d'être envoyé du Jannah. Quel était son statut? N'était-il pas parmi un statut élevé et haut au milieu des malaïka? Et cependant, que lui est-il arrivé? Est-ce que son statut l'a sauvé? Abadan. Bel al-Ax. Wa kadhalika, Sheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a dit dans Al-Qawl al-Mufid. Le cheikh du kitab Tawhid, dans le hadith de Al-Waqid al-Layfi, quand les sahaba étaient nouveaux en religion, d'accord, et qu'ils sont partis en bataille avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que les mouchlikoun avaient un arbre auquel ils accrochaient leurs armes, en vue de chercher quoi? La baraka. Que lui ont-ils dit les sahaba? Qalu, ya Rasulullah, ijallana zat anwat, kamalahum zat anwat. Faqali Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allahu Akbar. إنها لسنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. Il a dit quoi? Ils ont dit: Oh, messager d'Allah, accorde-nous ou donne-nous un zat anwat, c'est-à-dire une chose sur laquelle on accroche, tout comme ces mouchtekin en ont une. Qu'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit Allahu Akbar. Voici ça une tradition, c'est-à-dire un suivi des gens d'avant. فقال الشيخ والعثيمين رحمه الله تعالى في هذه الفقرة قال فالصحابة رضي الله عنهم لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة وأسباب المغفرة ما ليس لغيرهم ومع ذلك لم يحضرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطلب. Qu'il dit quoi? Que les sahaba, qu'Allah les agrée, qu'ils ont un grand de hasanat, une promesse de pardon et des causes de pardon qui ne sont présents chez personne si ce n'est chez eux. Des causes qui ne sont que pour eux. Hein? Et malgré cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas pardonné cette demande. Il les a blâmés pour cela. Et fi ashiya kathira. On peut réfuter à cette règle de plein de façons. Et également sous l'Iman, alhamdoulillah, des redoutes sur lui, sur le site sont présentes, et sur le forum al-Ulum, pour ceux qui veulent aller voir. L'un des rares, toujours parmi ces maftouns francophones, qui est l'audace d'essayer de répondre, c'est qui? Farid Zemmour, surnommé El Mekki. Après qu'il ait fait The Wajhain, la double face, c'est-à-dire qu'il faisait croire qu'il aimait Shariah, qu'il le défendait, qu'il ne voulait pas entrer dans la fitna. Après, il était dévoilé que seulement par en dessous il parlait, qu'il ne put répondre à ses contradictions et ses mensonges clairement prouvés. Donc qu'est-ce qu'il fit? Il tenta de répondre à ce qui fut reproché à Obey al-Jaberi par un procédé quoi? Tamiri, laxiste. En faisant quoi? Il va chercher les erreurs d'autres savants dans le domaine pour l'excuser. C'est-à-dire, vous dites ça sur Cheikh Obeid, mais Cheikh Intel l'a déjà dit. Vous dites ça sur Cheikh Obeid, mais Cheikh Intel l'a déjà dit. Et ainsi de suite. Il va chercher les erreurs des autres savants pour minimiser celle de qui? De Obeid al-Jabili. Et à la finale, lui-même reconnaît qu'il n'était pas d'accord avec Obeid al-Jabili sur ses paroles. Et encore, il n'a pas répondu à tout. Par contre, si d'autres personnes que Farid n'aime pas étaient venues à connaître la même erreur, là, il était prêt à parler durement sur eux. Vous connaissez ça. Hein? S'il sait que les profs ont sa faveur, là, il sort. Comme a dit Ta'ala, « Waylun lil mutaffifin, allazin zaktalu ala nas yastawfoun, wa zakaluhum awwazanuhum yukhsirun. » Dans le sens, malheur aux fraudeurs, ceux qui, ils font mesurer pour eux-mêmes, exigent la pleine mesure. Et lorsqu'ils le font pour les autres, alors ils causent leur perte. Quand c'est pour moi, je réclame, quand c'est pour les autres, je ne donne pas. Et nous constatons, hein, nous constatons clairement comme ils l'ont fait éprouver. Et sans que cela ne leur amène au haqq. Lorsque Cheikh Abu Amr al-Hajjouri, hafizallahu ta'ala, démontre à certaines erreurs de Cheikh Wasiyallah al-Abbas, wafakahullah, lors de sa venue en France, des erreurs pour lesquelles Farid, des erreurs pour lesquelles Farid n'aurait laissé aucun répit à ses opposants qu'ils auraient commises. Hein? Comment a-t-il réagi? Il a rejeté en bloc une critique détaillée, un cher Mufassa, des choses que même Cheikh Wasiyallah ne nierait pas qu'il a fait. Car lui, il ne voit pas que c'est des erreurs. Il ne nierait pas qu'il a fait cela. Des choses très claires. Et pareillement, il y a, Inch'Allah, un fascicule d'un frère indien qui a été écrit par rapport à ce genre de choses. Et voilà que, comme justement, Cheikh Rabi a fait l'éloge de Cheikh Wasiyallah, et que c'est le Cheikh de Farid, Kadalik, et que la critique provient d'où de Demmaj, alors on la rejette. Et au final, que s'est-il passé? Cheikh Wasiyallah a pris parti pour justement ces Moumayyirin et Hizbi de France. Donc, résultat, il s'est mis à critiquer Farid publiquement. Donc là, on a vu quoi? Un comportement de Farid, Hadji, prêt à débarquer chez le Shir avec des frères, limite ambiance de descente de cité, et tentative d'intimidation. Et le voilà qui se met à dire que le Shir a des erreurs, justement, et que Shir l'avait passé sur lui. Maintenant, il le dit. Maintenant, il le dit. Quand c'est contre lui. Hein? Après qu'il ait éduqué ses suiveurs à suivre aveuglément Cheikh Rabi et à le sanctifier et à se taire sur les menteurs qui parlaient justement sur Demmaj Zulman, que s'est-il passé? Il a tendu à ses opposants son propre bâton pour se faire taper avec. Et les voilà qui rapportent que Cheikh Rabi ne le conseille pas. Donc là, c'était le coup final et Farid fut abandonné. Et sa darwa, elle a disparu. Donc regardez bien, prenez exemple. Fasiyelo fil arm. Hein? Et parcourir sur terre et regarder quelle fut la rétribution de ceux qui démentent. Et alhamdoulilah, kazalik. Les redoutes sur Farid sont présents pour ceux qui voudraient comprendre beaucoup de ce qui est reproché à Obel Djabiri. Également, en exemple de rouleau sur Charabir, parmi ces maftouns de France, apparentés à la dame francophone, parmi ceux qui battent d'art, hein, Cheikh Yahya, il y a qui Salim Abu Islam, Al-Jazairi, qui se fait appeler lui-même Cheikh. Kaif Allah Alam. Il comptait, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il comptait nommer leur masjid Mugbil ibn Hadi. Ensuite, il a fait quoi? Une annonce précisant qu'il changeait pour Rabi ibn Umayr al-Matkhali. Hein? Comment on appelle cela? Si des frères, Wallah, avaient nommé un masjid Yahya ibn Ali al-Hajuri, je n'ose même pas imaginer le scandale. Mais nommer en plus un masjid avec le nom d'un divan, cela démontre clairement soit leur ignorance du Afar d'Ibn Mas'ud, qu'on a cité auparavant, ou alors qu'ils le connaissent mais qu'ils ne l'appliquent pas. Également parmi leurs rouleaux, de quelle façon ils se sont réjouis de cet audio pirate où Cheikh Rabi part enfin sur le Hajjouri, enfin. Et de quelle façon l'ont diffusé. Un audio vide de preuves, non officiel, c'est incroyable. Et pourquoi? Jusqu'à présent, on n'a pas connaissance d'un écrit officiel de Cheikh Rabi où il prononcerait clairement un tabdir de Yahya al-Hajjouri. Yahya al-Hajjouri, Haddadi, ou ce genre de choses. Bien qu'on sait qu'il le pense. On sait qu'il l'a dit. Hein? Mais cependant, où? Assise privée. Alors que cet homme-là, d'après ses dires, il n'y a pas plus nuisible pour la salafia que lui. Donc pourquoi on n'a pas une chose officielle avec un tabdir prononcé? Ne serait-ce qu'une fois. Une fois, on le demande. Car il faut savoir une chose, c'est comme Wafi'alan. En réalité, le cercle référentiel de ces maftouns se limite à ça. Rabi al-Matkhali, Muhammad ibn Hadi, Ubay al-Jabili, Abdullah al-Bukhari, Ahmed Bazmoul et l'Allah al-Utaybi. Et tous ceux qui seraient d'accord avec eux montent en grade, sont considérés. Pourquoi pensez-vous que les paroles des machaïrs du Yémen à l'époque furent diffusées contre Al-Hajjouri, Al-Allama, Al-Sheikh Fulani, Al-Faqih, Fulan. Pourquoi? Parce qu'elles coordonnaient avec celles de leur cercle. Mais lorsqu'elles s'y opposèrent, là c'était fini. fini. Les machines du Yémen sont tombées à leurs yeux. Donc, parmi leurs savants, qui les reste? Qui les reste? Parmi ceux qui ont parlé sur le Hajjouri. Parmi eux, seuls trois auraient un réel statut de savant. Parmi eux, Obey al-Jabiri. Et pour nous, c'est un hizbi inapte au fatawa, ni au jahl ta'dil. Et les profs ont à l'appui. Malgré cela, il est le seul qui aurait pu penser avoir quelque chose à ce jour pour Cheikh Yahya. Hein? Et ce par quoi? Avec le tas d'ambiguïté que Arafat il a ramené. Et vu la date de ses erreurs, de quand elle date ses erreurs, on se demande pourquoi a-t-il débuté avec l'affaire de la Jamia Islamiyah et non avec ses soi-disant fondements corrompus. Hein? Adil Usul et Fasida. Limada. Et au vu de sa situation, nous disons que ses accusations envers El Hajjouri sont comparables à quoi? Aux accusations des frères de Youssouf alayhi salam envers leur petit frère. Lorsqu'ils dirent, comme Allah Ta'ala, qu'allou, in yasriq, faqad saraqa akhun lahu min qabl, fa asarraha Youssouf in nafsi, wa lam yubdiha lahum, qala antum sharrun makana, wallahu a'lamu bima tasifun. Hein? Ils dirent, s'il a commis un vol, c'est-à-dire leur petit frère, c'est qu'un frère a lui, auparavant volé, c'est-à-dire Youssouf, il disait Youssouf. Mais Youssouf tint sa pensée secrète et ne leur dévoila pas. Il dit en lui-même, votre position est bien pire encore. Hein? Et Allah connaît mieux ce que vous décrivez. Vous, vous parlez, votre cas est bien pire encore. Avant qu'il ne fasse tawba. Mohamed ibn Hadi al-Matrali, à 7h, aucune critique détaillée. Ni scientifique de sa part. Il reste qui? Cheikh Rabia. Cela fait diffuser cet audio pirate. Étrange méthode pour le porteur de l'étendard du Jahl Ta'dil face à un simple étudiant. Pour finir par écrire deux gros livres, hein, en réfutation à quoi? À des erreurs qu'il aurait commises dans Ilm al-Mustalah, dans la science du hadith, dans la terminologie du hadith. Et franchement, au vu de la façon dont Cheikh Rabi a voulu affaiblir le Afar d'Ibn Omar, en rendant faible Hichel ibn Raz de la veine de Othman, ou le affaire de Abdallah ibn Shaqiq sur le fait que les Sahaba voyaient le couf de ceux qui n'étaient pas salat, ou de l'ijma rapporté par les Shafi'i, hein, que les actes des membres font partie de la foi, on ne sait pas à quoi s'attendre comme remarque de sa part dans ces livres. Et pour ce qui est de l'affaire de Othman, de la veine de Othman, je vous conseille de lire les redoutes de Youssouf Abu Hatim Jazairi, Mufida Jiddan, car il laisse apparaître clairement de quelle façon Cheikh Rabir contredit les règles du Mustalah connu et qui se contredit dans ce qu'il dit. A savoir que ces deux livres-là de Cheikh Rabir, Cheikh Yahya a déjà réfuté l'introduction, la Mukaddima de son livre, pleine d'accusations infondées et d'exagérations. Et malgré tout cela, il lui a répondu en toute politesse l'informant qui va lire ses livres et que ce qu'il trouvera comme critique plausible, il est tout à fait disposé à accepter et à corriger les fautes. Et l'en remercie. Mais qu'il n'y a pas besoin de grossir l'affaire. Il n'y a pas besoin de cela. Ça, c'est Tadrim al-Umur. Donc on s'interroge, pourquoi on n'a pas deux gros livres? Allez, ne serait-ce qu'une Risala, Ilmiya, un épître seulement de sa part, vont dévoiler justement les fondements corrompus. Si ces fautes étaient vraiment réelles, Nas'alukum, n'est-ce pas là le plus important et le plus dangereux, hein, à démontrer, à dévoiler? Bien qu'on connaisse la réponse. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a rien contre Al-Hajjouri. Il n'y a aucune preuve. Du moins dans ce qu'ils avancent eux. Leur seul objectif, c'est quoi? Le faire tomber. Donc, il faut trouver des choses. C'est-à-dire, on accuse, ensuite on cherche les preuves du crime. Yani, el irtiqad, qabl el istidlal. Je crois, après je cherche les preuves. Donc maintenant, Cheikh Rabir, à la base, est une référence dans le domaine des rodoudes, dans le dévoilement des individus déviés. Eux qui le suivent, on les invite donc à suivre ses directives et ses conseils dans ce genre de situation, quand lui-même, justement, il dit dans sa cassette, Al-Kadhib wa Afaruhu al-Sayya wa Mouqif al-Islam minhu. أن تدرسوا إذا تكلم في شخص أن تدرسوا عنه وتأخذوا أقوال الناقدين وتفهمونها وتتأكدون من ثبوتها فإذا تبين لكم ذلك فليحكم الإنسان من منطلق الوعي والقناعة لا تقليدا بهذا أو ذاك ولا تعصبا بهذا أو ذاك ودعوا الأشخاص فلان وفلان هذه خذوها قاعدة وانقلوها لهؤلاء المخالفين ليفهموا الحقيقة فقط ويعرفوا الحق ويخرج أنفسهم من جمرة المتعصبين باطل. وأنا لا أرضى لأحد أن يتعصب لي أبدا. إذا أخطأت فليقل لي من وقفني على خطأ أخطأت، بارك الله فيكم، ولا يتعصب لأحد. والله لا هذا يلزاك، لا يتعصب لخطأ ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا لأحمد بن حنبل ولا للشافعي ولا أحد، إنما حماسه للحق واحترامه للحق، ويجب أن يكره الخطأ ويكره الباطل. Le conseil que je vous donne est d'étudier, si on parle de quelqu'un, d'étudier son cas et de prendre les dires de ceux qui critiquent et de les comprendre et de vous assurer qu'ils sont fondés. Si cela devient clair pour vous, alors la personne doit juger en examinant soigneusement avec assurance, c'est-à-dire des preuves, que les preuves soient claires. Pas en suivant aveuglément telle ou telle personne ou en s'attachant de façon partisane à telle ou telle personne. Prenez cette règle. Et transmettez-la à ses opposants afin qu'ils sachent la vérité et qu'ils se groupent de partisans qui s'il le faut. Et je n'agrée pas du tout que l'on se fanatise pour moi. Si j'ai tort, alors dites-le moi. Celui qui voit de moi une erreur, qu'il le dise. Tu te trompes. Barakallahu fikum. Il ne faut pas être partisan envers un tel ou un tel. Ne vous fanatisez pas pour les erreurs de Nutamiya, ni de Ibn Abdil Wahhab, ni de Ahmed ibn Hanbal, ni de Shafi'i, ni de quiconque. L'attachement inconditionnel et la considération ne sont que pour la vérité. Et il est obligatoire de détester l'erreur et le faux. Intaha kalam. Kalam jamil jiddan. Donc nous sommes tous d'accord sur ce magnifique conseil, qu'apparemment peu de ceux qui disent prendre de lui, qu'ils se refusent à le suivre. Mais qu'il n'est pas trop tard. Et étudiez bien donc le cas d'El Hajjouri, chaque point qui lui a été reproché. Et bien entendu, de voir quelle en a été la réponse, pour pouvoir dissiper toute chebouette par la suite. Ceux qui ont étudié un minimum dans les coutumes de Aqida, ils connaissent ce procédé. C'est-à-dire, par exemple, les savants dénoncent les égarements des sectes. Ils évoquent leur chebouette. Et ce sur quoi ils se basent, c'est-à-dire comme fausse preuve. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils clarifient l'erreur avec des preuves authentiques et réelles du Kitab wa Sunnah. Comme ça, l'étudiant est allé à la basira, sur une clairvoyance. Si demain il est amené à débattre avec un des adeptes de cette secte, il connaît leur chebouette. C'est sur quoi il se base. Et ensuite, il sait comment répondre de façon irréfutable et tranchante. Que tu saches clairement à qui tu as affaire et comment te préserver toi en premier lieu, tabran, puis éclairer les autres. Et cela, hada ta'lim, hada uslub nabawi. C'est un enseignement prophétique. Comme l'a fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec Mu'az ibn Jabal, radhiallahu anhu, lorsqu'il l'a envoyé aux gens du livre, au Yémen, qu'allait, la tatienna qu'oumay min ahl kitab. Il l'a averti, tu vas aller vers des gens du livre. Donc, il l'a averti de ce qu'il risque de rencontrer comme ambiguïté, qu'il s'y prépare. Donc, nous disons, pour les francophones, notre site et notre forum sont là, à disposition. Les audios, les cours, les conférences, traductions, scrutez les bien, trouvez les erreurs, qui s'opposent au ménage des salafs. Et ensuite, si vous êtes convaincus de l'égarement de notre chair et de nous-mêmes, alors mettez en garde et répliquez, naam. Si vous êtes sur le haq, c'est un solo comme Allah, Allah va vous secourir. Mais si ce n'est pas le cas, alors vous en subirez les conséquences, bien entendu. Et soyez prêts à assumer. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asa'tum falaha. Si vous faites le bien, vous le faites à vous-même. Si vous faites le mal, vous le faites à vous-même également. Donc à cette heure, pour ceux qui parlent, qui se sont prononcés et avancés, je leur réponds par quoi? Par la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il dit: وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. C'est nous ou bien vous qui sommes sur une voie ou dans un égarement manifeste. Et nous sommes prêts à assumer jusqu'au bout bi'iznillah ta'ala. Prêts à venir à votre rencontre pour connaître quels sont vos arguments, vos hujjaj, vos adillah, justifiant vos actes. Tout comme l'a fait Ibn Abbas, radhiallahu anhu, en allant à la rencontre des Haruriyah, des Khawarij à l'époque de Ali, Ibn Abi Talib, radhiallahu anhu. Il les a débattus. Chouboué par chouboué, ma'indakoum. Abrizou ma'indakoum, il leur a demandé, qu'avez-vous? Ils ont dit leur chouboué, les trois, il a répondu aux trois. Bikitab wa sunnah. Un grand nombre d'entre eux sont revenus, et d'autres sont restés, on va dire, des khawarij. Donc, à la fin, si le haq est clairement démontré, fanakul lakoum, faman hajja kafi, min ba'di ma ja'aka min al-'ilm, fakul ta'alaw nad'u abna'ana, wa abna'akum, wa nisa'ana. وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Qu'à ceux qui te contredisent à son propos, maintenant que tu en es bien informé, tu n'as qu'à dire, venez, appelons-nous fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres. Puis ils proféreront exécration réciproque en appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs. Naam. Ici, pour finir, par contre, j'ouvre une parenthèse que j'estime importante. C'est ma chère, c'est-à-dire Cheikh Rabir, Obey el-Jabiri, Cheikh Mohamed ibn Hadi, Abdullah al-Bukhari, Ahmed Bazmoul, Waghaylim, ces gens-là, que nous critiquons aujourd'hui, nous ne le faisons pas pour la même raison que les Hizbi, Moumayyirin, ceux qui les diffament en raison de quoi? De leur désaccord avec leur manhaj de base, et qui défendent et fréquentent des gens de la bid'a. Wallahi, que ces gens-là, ces machaires, étaient pour nous également des références en manhaj. Nous éprouvions pour eux un amour légiféré et un profond respect. Nous avions une grande estime pour eux. Et c'est justement ce manhaj pour lequel on les aimait qui aurait dû les contraindre aujourd'hui à suivre le haq et à soutenir leurs frères salafis de Demej, l'Illah, comme on l'espérait d'eux. Et les voilà qu'ils laissent apparaître un nouveau visage, une non-application de leur science, subhanallah. Les redoutes des gens de Demej sont remplis de paroles de charabia. Pas par flatterie pour lui, mais pour le haq qu'elle contient avec Dalil et cette fermeté et esprit de distinction pour lesquels il a été connu. Wafaqahullah. Bien qu'il tardait à parler, c'est vrai, et que dans des paroles, il exagère aussi, c'est vrai, mais il ne sait pas dire la vérité et la soutenir. Mais là, une fitna aussi claire, remplie de faits dont lui-même mettait en garde lorsqu'il s'agissait de sa personne, voilà qu'aujourd'hui, il est conçu à une voie pire encore. Une forme de sectarisme, de confrérie secrète, de tahrich, de manigance, agissement suspect et contradictoire dans cette affaire. Comme l'a dit notre chir, ça ressemble à quoi? L'aigle de Hassan el-Banna. On s'unit sur ce quoi on est d'accord, et on s'excuse, on se tait sur ce qu'on diverge. Des critiques et des éloges tout à fait hors contexte. Des gens qui ne méritent pas. Des gens qui ont des éloges qui ne méritent pas. Des gens critiqués qui ne méritent pas. Et comme je l'ai signalé au début, les fitnas sont là pour justement aider à distinguer les croyants dans leur sincérité, dans leurs propos. Comment agit l'homme une fois au pied du mur? Donc voilà ce qui nous a poussé à parler sur eux. Bien qu'on reconnaisse que beaucoup aujourd'hui, on reconnaît que beaucoup les diffament injustement, pour d'autres raisons. Non acceptable. Tout comme à l'inverse, d'autres exagèrent trop sur la personne. Ils n'acceptent que personne si ce n'est d'eux. Ils n'acceptent de personne si ce n'est d'eux. Ou alors, que si on accepte de gens, c'est qu'ils ont été précédés par quoi? Par ce cercle auparavant. Et ils les voient comme infaillibles. Même s'ils ne le disent pas par leur langue, leur fait amène à cela. Et cela donne à quoi? Au Hizbi, une certaine crédibilité dans leur critique, à certains prédicateurs. En les qualifiant de quoi? De madakhila. Justement à cause de quoi? Du roulou dont beaucoup d'entre eux font preuve. Et ça, on ne peut pas le nier. Qu'à cause de beaucoup de personnes, parmi les prédicateurs et les suiveurs de Cheikh Rabir et des autres, un roulou flagrant amène à ce que des Hizbi arrivent à les réfuter, à les bloquer et les nomment de madakhila. Et hada la yunkar. On ne peut pas le blâmer cela, ça cela est réel. Bien que cette secte à la base, c'est une secte qu'on sait comment elle est venue, comment elle était inventée. Par des gens qui veulent s'en prendre à Cheikh Rabir. Injustement. Mais aujourd'hui, à cause de certains faits de beaucoup de personnes, ce nom-là, malheureusement, a pris un certain sens. Et pour beaucoup, on ne peut pas le nier. Et dans l'autre partie, ce serait un conseil plus particulier envers mon frère Suleyman, wafaqallahu ta'ala. Fa nas'alallah an yuwaffiqana lima kulna wa ma sami'na an wan yuslih halil muslimin wa yajma' kalimatana lal haqq wa nakul subhanaka allahumma wa bihamdik لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مع تحية دماج أفاق.